Tonight, we come together, bound by our faith, with genuine respect, and inheriting the legacy of a great party. This is not a perfect party. We are not a perfect people. Yet we are called to a perfect mission. Et bonsoir à tous dans cette boîte à bordel du mois d'avril, où on ne se découvre toujours pas d'un film, même s'il a fait super beau. Sur le Stéphanois, en tout cas, c'était fort agréable, ces températures de plus de 20 degrés. Enfin, ouais, pas très longtemps, mais bon, en tout cas. Ça a été un petit peu bénéfique pour la mélanine et le bien-être, le moral, enfin bref. Malgré tout, je vous convie à une petite émission qui n'aura pas trait à un label en particulier, sur un label de musique électronique comme j'ai l'habitude de faire, mais j'ai voulu faire une petite sélection autour de du genre musical qui est le disco, nu disco, le BM, un peu de techno aussi, mais enfin toujours dans cette orientation mélodique, un peu trippy, un peu détente, dimanche soir, on se prépare au lundi matin, tout ça, tout ça. Et donc, ce sera donc un héritage des années 70, hein, ce mouvement disco qui est très, très en lien avec voilà, les années glorieuses où tout était beau, tout était magnifique. Hein. Ça brillait de partout, il y avait des boules à facettes. Et c'est vrai que c'est assez mal connoté finalement ce genre musical, je trouve, parce que il y a énormément de gens qui le voient comme un truc assez consumériste et capitaliste, où on dépensait à outrance, il y avait un étalage un peu qui pouvait être malsain, on va dire, par rapport aux années de disette actuelles. Et du coup, voilà, moi je trouvais qu'il y avait quand même dans ce genre musical quelque chose d'assez naïf, où on venait pour danser dans des clubs, discothèques, et il y avait une espèce d'émulation entre tous. Il y avait beaucoup de mélange, voilà, je trouve, au niveau des classes sociales. C'était quelque chose qui permettait que aussi des personnes d'ethnies différentes, même il y a eu une vague disco aussi dans des pays comme par exemple, là je vais vous passer en Turquie, on a eu enfin voilà des endroits où justement on n'aurait jamais pensé que ce genre musical enfin exploserait, par exemple, voilà, par rapport à des sous-entendus culturel, par exemple, voilà. Donc effectivement, aux États-Unis, c'est là où ça a pris le plus, en France aussi, hein, mais il y a aussi en Italie avec l'Italo Disco, Giorgio Moroder d'Allemagne aux États-Unis. Il y a aussi quelques membres qui viennent un peu d'Angleterre, un de Norvège. Enfin voilà, on voyagera un petit peu dans ce genre. Qui est donc plutôt orienté actuellement sur ce qu'on appelle plus du new disco, donc du nouveau new N-E-W-N-U disco, qui est plutôt une prolongation de ce qui a pu se faire à la fois dans le disco et aussi dans le cold wave des années 80, dans les musiques un peu voilà, donc EBM, donc tout ce qui est front 242, les groupes un petit peu industriel, post-industriel, post-punk, enfin post-punk, ouais, plutôt punk, industriel, ouais, qui ont eu leur âge d'or dans les années 80, voilà. Alors, on va commencer aussi avec, on va aller dans un ordre un peu chronologique, gentiment, et puis après, enfin chronologique et d'inspiration, voilà, il y aura 5 morceaux, je vous raconterai un peu tout ce que je vous ai passé. Et puis à la fin de l'émission, on aura des petites nouveautés et on aura un petit qu'est-ce que c'est, voilà, une petite page d'événements. Pas grand-chose, mais quelque chose, quelques événements qui ont lieu et sur synthé et un peu autour, mais là particulièrement sur synthé, deux événements sympathiques. Bon, et ben, il est temps de passer aux choses sérieuses et d'ouvrir ses petites oreilles curieuses. Donc on commence avec le fameux Patrick Cowley, le plus grand, on va dire, dans son genre disco, en tout cas, qui était représentant de la cause gay aux États-Unis. Et je trouvais qu'il fallait quand même lui rendre hommage. Donc je vous passerai un morceau qui s'appelle Mind Warp, Invasion, pardon, sur l'album Mind Warp, qui était sorti donc en 83. Voilà, c'était sur l'album même The Ultimate Collection. Ouais, c'est pas tout à fait Mind Warp, je dis des bêtises. Ensuite, on aura un artiste norvégien qui est plutôt 2001 hein, dans le New Disco, donc qui s'appelle Lindström, qui est norvégien. Je trouve qu'il est un peu dans cette continuité, hein, donc je vais vous faire un petit passage. On aura Black Light Smoke, que j'ai découvert grâce à The Hacker, dans sa superbe vidéo où il est à Grenoble, où il se fait filmer pendant le Covid, et c'est le morceau inaugural. Et Black Light Smoke, donc c'est un Américain qui est également aussi très... dans cet italo-disco réinterprété actuel. Et on aura Simian Mobile Disco, un morceau qui s'appelle Tangente sur l'album World. Plutôt peut-être un peu... Bon, peut-être mainstream, mais enfin, c'est des petits morceaux qui ne sont pas forcément très diffusés dans les masses médias, justement. Bon, allez, let's go avec Patrick Cowley. Thank you. Et vous venez d'écouter sur la boîte à bordel Simian Mobile Disco avec le morceau Tangente. Et c'était un duo d'anglais qui était assez en vogue dans les années 2000, puisque c'était la période un petit peu où on pouvait se permettre d'écouter des sons un peu longs comme ça et que ça fonctionnait économiquement. Et nous ne sommes plus là, non, enfin, c'est différent maintenant, enfin bref. Donc là, c'était en 2014, et c'était sorti sur un label qui s'appelle Anti, moins, un label américain avec plus de 2000 références, dont Tricky et Tom Waits, pour juste les citer. Avant, on avait écouté, dans l'ordre, Lindström. Non, Black Light Smoke avec le morceau Ambrose sur un album qui s'appelle Heat Flash, sorti en 2022 sur un label qui s'appelle Nine Records. Donc Black Light Smoke, c'est un américain qui s'appelle sinon Jordan Lieb. Avant, on avait Lindström, donc avec le morceau Grand Ideas, qui était sorti sur l'album Where You Go, I Go Too. C'était sorti en 2008, et donc c'était aussi parce que dans cet album il y a un morceau de 28 minutes qui est absolument sublime si vous avez la possibilité de l'écouter. Il s'appelle Where You Go, I Go Too, donc l'album est éponyme. Et du coup j'ai pris un morceau radio edit, hein, parce que ce qui est bien avec la disco, c'est que c'est long, mais en radio c'est pas très pratique. Donc bon, s'il y a des morceaux qui sont radio edit, c'est pratique, mais des fois il n'y en a pas. Alors il faut trouver le morceau qui me conviendra à l'écoute et qui soit d'une durée convenable, on va dire, pour pas que ça prolonge. Parce que là, ça fait déjà plus d'une demi-heure que je suis sur les ondes de Radio 2. Et je n'ai passé que 4 morceaux, enfin presque. Alors, on continue dans cette sélection de la boîte à bordel avec Hydrogène, un morceau d'un duo français qui n'est pas très connu, s'appelle Al-Azif, que je connais par l'intermédiaire de gens bien placés dans le milieu, on va dire, parisien. C'est donc Vincent Drapeau et Kesmo qui forment ce duo Al-Azif. C'est sorti chez Buzum, si vous voulez. Voilà, c'est assez cool comme morceau. Je vais vous le passer sur l'album H-E-O. Hein, parce que y a, sur l'album EP, il y a un morceau qui s'appelle Hydrogène, un qui s'appelle Hélium et l'autre I-Oxygène. Donc H-H-E-O. Ouais. Une belle balade aussi assez trippy. Et donc on a après dans cet ordre Miss Kittin et The Hacker avec le morceau Malade sur le troisième album qui s'appelle Third Album. Et ensuite on aura Route 66 et Illum Sphere et peut-être Des Williams ou peut-être après, on verra. Mais en tout cas, on commence avec Al-Azif et le morceau Hydrogène qui dure 10 minutes 56. Hein. Ah oui, c'est long, mais c'est bien.

toujours dans la boîte à bordel, sur Radio Dio, sur le 895 à Saint-Étienne et radiodio.org. Il est 21h35 ici et maintenant, et peut-être une autre heure si vous êtes en podcast, évidemment. Et nous venons d'écouter Ilum Sphere avec le morceau Bullet. C'était sorti sur la compile Fabric Live 78. 78. Le Club Fabric qui édite des compilations d'artistes variés. Et en l'occurrence, là, Ilum Sphere, un producteur anglais, qui était sorti sur Ninja Tune. Enfin, la compile Fabric est sortie chez Fabric Live, on va dire, alors le label. Mais en tout cas, Ilum Sphere était sorti pour beaucoup chez Ninja Tune. Et ça, c'était sorti en 2014. Juste avant, c'était Route 66, le producteur néerlandais des deux années 90, avec son petit côté très, très rude, donc. Rêche. Et c'était donc un morceau qui s'appelait No One Had a Clue, sur un album qui était sorti en 2008 qui s'appelle Sadistic Tendencies. Et Route 66, eh ben, figurez-vous qu'il a 60 ans maintenant. Donc c'est vraiment Route 66 qui arrive tranquillement. Et avant, on avait Miss Kittin et The Hacker, le duo de français qui de temps en temps se sépare, mais bon. Qui ont composé un album en 2022 qui s'appelait Third Album, avec un morceau qui s'appelait Malade. Et juste avant, donc, je vous avais proposé Al Azif avec le morceau Hydrogène, sur un EP de 3 titres qui s'appelle H, Helium, Hydrogène, Helium, Oxygène, H-H-E-O, et c'était sorti en 2016 chez Busum, B-U-S-U-M, pour les curieux. Et je continue donc dans cette petite escapade dans ce monde un peu qui est varié dans le disco et dans les sons électro que je vous propose. Mais enfin, j'essaie de trouver quand même une suite logique à tout ça. Et je voulais vous emmener un petit peu plus dans ce qui est plutôt dans le funk électro, on va dire. Donc c'est Des Williams que je voulais vous proposer, un producteur anglais qui est fondateur d'un label qui s'appelle Electronic Religion. Je ne sais plus si je vous en ai passé dans l'émission, mais un producteur que j'apprécie aussi particulièrement. Et ensuite il y aura, alors c'est un producteur et une chanteuse qui en fait n'est pas la personne qui figure sur les jaquettes des albums, ou du moins on ne sait pas, c'est assez mystérieux, qui s'appelle Sally Shapiro. Donc c'est un producteur qui s'appelle Johan Agbojorn, donc est chanteuse, mais en fait elle est plutôt anonyme, on ne sait pas trop qui c'est, et ils utilisent a priori quelqu'un d'autre pour faire l'image, dans les albums. Et donc du coup, j'ai jamais encore fait ce bruit-là. Je vous partage Sally Shapiro avec un morceau qui s'appelle Jackie Junior, qui était un remix d'un album qui s'appelait My Guilty Pleasure, sorti en 2010. Et là, on est plutôt sur un disco, dark disco, mais c'est très beau, c'est très planant aussi. C'est vrai que c'est assez sympathique. Cette découverte que j'ai faite il y a quelques années, je ne sais plus comment, mais en tout cas voilà. Et ensuite on aura La Muerte, producteur parisien qui avait sorti un morceau qui s'appelait Rien ne se perd, sur un album qui s'appelait The Inner Out. On est un peu dans la cold wave, un peu dans cet esprit là. Agar Agar, et ça fait 1, 2, 3, 4 discodéines pour finir. Voilà, il est toujours 21h39 pour dire que le temps passe et que j'avance dans mes petites pérégrinations musicales, dominicales. Voilà, Des Williams. I thought so much about you that day. It was the perfect day, but I couldn't enjoy it without you. I wish it didn't mean so much when I grabbed you by the hand. Sometimes I think too much about things. I think I gave you too much time. Say bye. j'espère que ça va. 22h01 sur les ondes de Radio Dio. Et on a terminé la petite sélection un peu disco, un peu acide techno, un peu tout ce qu'on veut. Voilà, une petite balade nocturne pour accompagner ce début de printemps. Alors on vient d'écouter Disco Déine, un duo français pour la SACEM. Même si je chante en anglais, je sais, ça compte pas, mais bon, je le précise. Donc, c'était sorti en 2011 sur le label Pschent. Le morceau, donc, Drunken Angel. Juste avant, c'était Agar Agar, aussi un duo français qui chante en anglais avec un morceau qui s'appelle Grass. Sur leur dernier album qui s'appelait Player Non Player. J'ai toujours pas joué au jeu interactif là, sur leur album, que j'essaye, c'est rigolo. Avant, on s'est écouté La Muerte, alias, je ne sais plus comment c'est, Alexandre Berly, un producteur français parisien, et qui a sorti un album là récemment qui s'appelle Media Nocte, LP. Et là, juste le morceau, c'était Rien ne se perd sur l'album The Inner Out. C'était sorti en 2017. Et qu'est-ce que j'avais mis avant? Ah oui, Sally Shapiro, avec le morceau Jackie Junior, remixé sur l'album My Guilty Pleasure, sorti en 2010. Donc, c'est un producteur, alors lui, je crois que c'est norvégien, ouais, c'est des Norvégiens, ou suédois, non, c'est suédois. C'était sorti sur un label canadien qui s'appelle Paper Bag Records. Et avant, il y avait Des Williams avec un morceau qui s'appelait The Long Distance Runner sur un album qui s'appelle Opera 8, sorti en 2011. Ouais, voilà, c'était funk acide électro. J'ai oublié de toujours ce côté-là. Alors, on poursuit avec les nouveautés. Bon, il y a quelques morceaux que j'avais mis encore, mais je me dis, c'est bien, on va pas continuer. Il y avait Nanzan Shorey, je sais pas comment on dit en turc, avec le morceau de Boris Manchou, Al-Al. Assez dommage hein, pour certains, mais bon. C'était repris par Bariska. Ouais, c'était l'époque disco des années 70, mais là c'était remasterisé et c'était pas mal, mais je voyais pas trop comment l'enchaîner là, c'était hors sujet. Et il y avait Tracker Matteux aussi, mais pareil, on était hors sujet. Alors on va aller donc dans les nouveautés. Alors il y a Marlon Magnier qui fait partie de La Femme, le projet, et qui est venu à Saint-Étienne le 2 avril, et je n'ai pas pu y aller d'ailleurs, bon, dommage. Et il a sorti un album qui s'appelle Dark Star, et donc je vais vous proposer le premier morceau de cet album, qui s'appelle Nuages Gris. Ensuite, il y a un groupe qui est en première partie de Compromat au fil le 22 avril, qui s'appelle Daskin, parce que bon, je me dis Compromat, beaucoup de gens peut-être connaissent, mais Daskin, la première partie, c'est, je connaissais pas non plus, mais du coup c'est cool de, voilà, de me dire, ça peut être une envie aussi de dire ah oui tiens, première partie, et c'est assez deutsch hein, c'est voilà, un peu dans l'ambiance Compromat BM quoi. Donc, le morceau s'appelle Die Ratten. Ratten. Alors, je sais pas si c'est les rats ou ratten devinés, mais ça doit pas être deviné, Die Ratten. Ouais. Et c'est rigolo. L'album s'appelle Ruinenkampf quand même. Hein. Il fallait oser. Et après, il y avait Nord Noir, des Français de Calais. Oh là, en gabber à texte qui est très beau. un morceau qui s'appelle Pas mort qui est sorti là. Ensuite, il y avait Abida Brother. Oh, c'est pour le côté positif, message du voilà, faut tenir, faut y aller dans les projets. Il y a, voilà, c'est au mois d'avril, faut se booster un peu si on a envie. Et du coup, je trouvais ça sympa ce petit morceau là, Da Brother. Et ensuite, on aura Leonardo Cruz, un producteur français qui fait du synthé modulaire. Assez compliqué, mais là, c'est plutôt techno, mais modulaire, quoi. Et c'est un producteur qui s'est expatrié à Berlin et qui a sorti donc un petit extrait, certainement, d'un album à paraître qui s'appelle Term Oil. Voilà pour les présentations. Et à présent, l'écoute active Marlon Manier. Daskin, Or Noir Da Browser et Leonardo Cruz. Ah ah, nouveau jour qui commence. Et pourtant c'est l'angoisse qui recommence. Je ne comprends pas, pourtant aujourd'hui il fait beau. Et quand j'y repense, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. T'as déjà eu ce truc, comme une vis dans la tête. Et le cœur qui fait bim bam bim bam boum. J'ai le mal, juste le mal de vivre. Je sais c'est rien, y'a des choses plus graves dans la vie. Mais se sentir bien, c'est quand même important. C'est sûrement cette fille, c'est sûrement cette fille. Je vais peut-être la retrouver, elle va peut-être se décider. Mais en attendant, je suis seul et j'attends. Pourquoi ce nuage gris encore sur ta tête? Je te l'avais dit, si tu continues comme ça, je te laisserai là-bas, je te laisserai là-bas. Au milieu de tes tracas, je te laisserai la vie. C'est juste un nuage gris. C'est pas grave, c'est la vie. C'est juste un nuage gris. Oh oh, tu te demandes si tu avances. Et pourtant les mêmes tracas qui recommencent. Je ne comprends pas pourquoi quand le bonheur est là. Et quand j'y repense, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Hier sous la lune, j'ai encore rêvé de toi. Et ton cœur qui fait bim bam bim bam boum. Ça fait mal à vivre. Mais c'est pas très grave, juste un aléa dans la vie. Mais se sentir bien, c'est tellement important. Ce n'est pas cette vie, ce n'est pas cette vie. Tu ne dois pas la retrouver, mais tout simplement l'oublier. Car en attendant, tu es seul et tu attends. Quand ce nuage gris est revenu sur ta tête, je te le redis, allez mieux ne tiens qu'à toi. Si tu continues comme ça, tu resteras tout seul là-bas. Car elle ne reviendra pas, tu resteras tout seul là-bas. Je te laisserai là-bas. J't'ai un allègue de l'ordre. Bis ich mich immer schon gezeigt hab. J't'ai un allègue de l'ordre. Bis ich mich immer schon gezeigt hab. Essaye d'aller au bout de tes projets. Tu verras bien, ça se trouve c'est ok. Ça prend du temps, il faut se bouger. Mais c'est super d'avoir des projets. Au début tout paraît compliqué. Mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. C'est déjà top d'avoir essayé. C'est toujours mieux que si t'as rien fait. C'est comme ça que tu deviens plus fort. On est tous fiers de voir tes efforts. Si toi t'aimes bien, c'est l'essentiel. Allez maintenant, déploie tes ailes. Essaye d'aller au bout de tes projets. Tu verras bien, ça se trouve c'est ok. Ça prend du temps, il faut se bouger. Mais c'est super d'avoir des projets.

Ah, ce Deezer, qu'est-ce qu'il est pratique, mais parfois il est contrariant. Alors, donc, c'est la fin, presque. Aha, mais il reste encore la petite rubrique des événements. C'est vrai que nous arrivons gentiment au mois d'avril et au mois de mai. Et j'avais noté quand même cet événement majeur qui aura lieu à Saint-Étienne le 18 avril. Malheureusement, je ne pourrai y être puisque il faut que je gagne de la moula. Et donc j'ai eu la date encore une fois après que je me sois planifiée sur mon planning. Ce n'est pas possible. Comment je vais encore louper shit? J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Alors c'est une soirée autour du caca. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont décidé de mettre à l'honneur les résidus biologiques que l'on excrète. C'est une soirée qui s'appelle The Shit, Grizz et DJ Roventa et Shit Mimouze. C'est un truc de fou quand même. Hein. Et donc du coup, on sera sur une ambiance très expérimentale, un peu avec Shit, quoi. Et je voulais vous passer un morceau, mais je me suis dit que vu l'heure qu'il est, ça va être un peu compliqué parce que c'est de l'expérimental ambiante, mais qui dure... Alors comme il faut quand même qu'il y ait une continuité logique en passant à un morceau, je me suis dit, je peux pas passer un extrait, est-ce qu'on va pas comprendre voilà, il y a une logique. Ouais, mais... Donc tant pis, je vais encore louper ça. Mais bon... C'est tout. Et puis donc, j'avais noté quoi comme événement? Rien d'autre, sinon que les nuits sonores arrivent à grands pas et que j'ai toujours pas pris mes places. Voilà. Alors, il y a peut-être le jour 4 qui est notable. J'ai pas encore... si, les prix, je les ai vus. Hein. La journée, c'est 808 State Live. Non, c'est pas 808 euros, on n'y est pas encore, hein, mais bientôt peut-être. Enfin, je pense que c'est peut-être presque le prix du Burning Man aux États-Unis. Hein, hein, voilà. Là, c'est bon, allez, 45 euros, peut-être quelque chose comme ça. Et donc, il y a 808 State Live, Adrian Sherwood. Et alors, il y a un truc qui s'appelle Retro Cassetta. Alors, j'ai pas regardé, mais il me semble quand même que je pense que c'est ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il mixe avec des cassettes? Ça doit être un truc de fou, quoi. Ouais. Et puis particulièrement, les cassettes des années 80, 90 et début 2000. Oh ouais. Ça doit être trop drôle. Et ça sera le quatrième jour. Et il y a aussi Leadfield, mais je sais plus c'est quand. Mais bon, ça aussi, ça m'avait motivé. Comme l'année dernière, il y avait... Des anciens qui s'étaient manifestés. Et au closing day, le jour de la fermeture, il y a DJ Nobu, DJ japonais, aussi connu dans les années 90, c'est Bankable. Voilà, c'est marrant qu'ils reviennent. Il y a Sama Abdouladi que je vous avais passé dans l'émission sur la spéciale Palestine. Ça doit être aussi sympa. Techno. Il y a Vril aussi du label Giggling, que j'avais déjà vu d'ailleurs au Glazart, aux plages de Glazart. Ouais, c'était sympa. À 4h du matin, 5h du matin. Et il y a Wata Agarashi. Voilà. Bon, bref. La programmation est très très dense. On verra bien si. Les gens vont se déplacer avec l'inflation de dingue, avec les prix du carburant. L'avantage à Lyon, c'est qu'il y a une raffinerie de pétrole pas loin. Ça, c'est quand même le petit plus qui permet de ne pas être en rupture, je pense. Mais bon, il y a quand même du brut à ramener, ouais. C'est sûr. Bon, alors, on finit avec un « qu'est-ce que c'est ?» qui est justement un peu iranien. C'était un morceau que j'avais découvert il y a quelques années sur Radio Primitive, la radio associative de ma localité d'origine. Et c'est un artiste qui s'appelle Kourosh Yagmaei, qui est considéré comme le dieu du rock psychédélique de la révolution pré-islamique. Donc c'est un morceau qui date de... Alors j'ai pas trouvé la date précise parce qu'en fait là je l'ai repris d'une compilation qui est sortie en 2011 ça a été certainement un peu retouché numériquement, etc. Les morceaux d'origine, enfin c'était entre 73 et 79. Et le morceau s'appelle Khar, K-H-A-A-R. Qui veut dire épine en perse. Ça, c'est pas tout à fait de l'arabe, mais ils utilisent les lettres arabes. Alors, je vais essayer de retrouver le texte. J'ai trouvé que traduit, c'était merveilleusement beau. Yagmaei. Oui, ça y est, c'est fini. Je devrais lancer le morceau. Car. Alors. Donc. Lyrics. Ouais, je vous raconte ma life. Eh ben, ça parle d'épines. Voilà, qu'il est dans un mal-être très, très, très, très, très fort. Ah, c'est parce que j'ai fermé ma page. Bon, on ne saura pas. Je vous invite à aller voir les paroles. En tout cas, la musique est de... pur bonheur, ouais, c'est pour les oreilles. Et du coup, c'était voilà mon morceau de fin. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, j'étais loin du micro encore. Je vous souhaite une très bonne nuit sur les ondes de Radio Dio. Et puis, bon courage dans votre vie de tous les jours, car ça doit être une vie qui s'écoule dans le continuum espace-temps. Et faisons face à toute éventualité de l'impermanence des choses. En attendant, on se fait plaisir, entre guillemets, dans ce petit moment qui se termine psychédéliquement avec donc Kourosh Yagmaei. Un non n'est toujours pas un oui. Et prenez bien soin de vous. Et à bientôt sur Radio Dio dans la boîte à bordel. Et voilà. مثل خارم رو زمین توی صحرا، تو مثل بارون تونی داری سرزم میکنی. هی هی یه اگه تنهام رو زمین توی شبا، تو مثل ماه بزرگی که نگاهم میکنی. هی هی یه توی شنزارای خالی اگه بارو نگیره نمیمونه خاره تنها توی خشکی میمیره. چی بگم من تک و تنها وقتی تاریکی بیاد توی تاریکی میترسم اگه مهتاب میره. Yeah.